Tu rappes toi, c'est du moonwalk car le cul non rien d'abrasque pour les enculés. Moi tu pèses des Qataris. J'aurais dû faire maçon à cette heure si j'aurais dit baraque. Sans qu'un produit me canalise. Salut les petits PD, oh, ne vous offusquez pas. Ça sert à rien de polémiquer car je suis bientôt sur le départ. Je vous emmerde bande d'hypocrites, je suis pas là pour me faire des potes. Beaucoup de nos petits frères déconnent, ils apprennent comment percer le coq. J'aurais dû faire maçon à cette heure si j'aurais dit baraque. Mais bon, j'aime pas me plaindre même si je suis pas dans le hit parade. Que la justice nique sa race et tous ses ancêtres. On revient à l'essentiel, on fait monter les enchères. Combien vaut ma liberté comparée à celle d'un flic? À peu près la même différence que celle entre Primark et Fendi. Bande de trimards, vous avez zéro à la banque. Il est fini ton marathon, moi j'en ai eu trop marre d'attendre. Je voulais faire du son haut de gamme, même si j'ai pas réussi. Je ne suis pas inconsolable, j'enchaîne gauche, droite, échec au roi. Sois pas gourmand ou tu vas manger le trottoir. C'est du moonwalk car le cul non rien d'abrasque pour les enculés. Trop loin tu pèses des Qataris. J'aurais dû faire maçon à cette heure si j'aurais dit baraque. Sans qu'un produit me canalise. Je crois qu'ils aiment bien serrer la main. Si je suis dans le pain, je suis un requin. Je me sens à part comme un rouquin, je pourrais en écrire un bouquin. J'ai pris du poids, pas de l'embonpoint. Et si je restais seul dans mon coin, la suite serait juste 3 petits points. Sur la table, je tape du poing. Tu crois que t'avances, tu tournes en rond comme un rond-point. La terre est plate sur mon terre-plein. C'est du moonwalk car le cul non, y'a de la place que pour les enculés. Des réussites, nous spéculons, mais on manque beaucoup de pécuniers. Qui peut nier, on serait plus fort si tous liés. Mais dans le groupe, toujours un fumier qui regarde en pied sur les billets. Donc l'idée est vite oubliée. C'est solo que je vais tout plier. Je démarre et je vous laisse roupiller. Toujours prêt à dégoupiller. Il faut que ça pète, que les éclats nous fassent briller. Il faut leur en mettre dans la vue. Ils veulent nous la mettre dans le cavu. Et pour une vie lave là la vue. Beaucoup se tartiner la vue. C'est du moins moins car le cul non rien d'abrasque que pour les enculés. Trop loin tu pèses des Qataris. J'aurais dû faire maçon à cette heure si j'aurais dit baraque. Sans qu'un produit me canalise. Besoin de me ressourcer mais je bois pas de Vittel. Je vais rentrer dans ton game, t'appelleras le 17. Personne n'est parfait, regarde la Victa. Je suis loin de la Vita, évidemment que je vise la victoire. Pour ma part, moi tous mes potos c'est mes frères. Puis j'ai fait le tri entre les poutons et les traîtres. Jamais douté lorsqu'on doit nier les faits. On se brûle les doigts à force de compter les pertes, ouais. J'ai fumé trop de piles, on finit les dents blanches. C'est l'effet papillon quand t'habites en France. Maintenant la trappe c'est devenu tendance. Obligé de croire que le rap n'est plus qu'un souvenir d'enfance. Dans ma tête c'est la zizanie, je vous insulte comme un terrazzi. Besoin d'une thérapie, je bois la bébise et c'est rapide. Les pensées noires me paralysent, trop loin du pèse des Qataris. Je suis plus proche des abysses qu'un bel appart vu mère à Nice. Et c'est un signe quand seront partis c'est mes 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que nous méprisons tous leurs agissements. Des cris racistes dans tous les stades et arrondissements. Me parle pas de serment, ça verbalise car la police ment. Je t'en prélatise qu'une fois devant le médecin légiste. Tu peux ranger ton cannabis, aucun produit me canalise. Pour progresser, j'ai pas écouté vos avis. Avant je les connaissais, je vous appelais déjà des faux amis. BR, R2ENO, NAS. Tu rappes toi?